Essentiellement, ce qu'on n'acceptera jamais, jamais, c'est d'inscrire la discrimination à l'emploi dans les pratiques au Québec. Jamais j'accepterai ça. Il va falloir me piler sur le corps s'ils veulent faire ça, et je suis pas facile à piler dessus, je vous garantis. Pas de gris-gris, il n'a pas été perquisitionné par l'UPAC et il ne s'est pas fait blaster par Alexandra Wozniak, mais il demeure quand même à la fine pointe de l'actualité. Voici votre animateur, Jean-Philippe Vautier! Oh! Hey, bonsoir tout le monde! Bonsoir tout le monde! Il est à peine 19h, la soirée est encore jeune, ce qui va nous donner amplement le temps de nous préparer aux prochaines perquisitions, oui, de l'escouade marteau. Hein. On est jamais trop prudent, tout le monde, checkez-vous. Hein, Fred Savard, bonsoir. Bonsoir. Hey, l'escouade marteau, là, c'est-tu une émission de rénovation à Canal Vie, ça? Oui, et je pense que c'est Philippe Couillard qui va animer la prochaine saison. Ouais. On dirait que ça n'a pas l'air d'y tenter cette semaine. Oui, il y a ça. Hein. Hein? Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est pas si difficile que ça de passer sur le corps de Philippe Couillard. Hein. Fallait juste avoir un mandat. Voilà. C'est la seule affaire qu'on comprend cette semaine. En même temps, qu'est-ce que tu veux, hein? Qu'est-ce que tu veux qu'il ait ramassé l'UPAC en plein mois de juillet au Parti libéral? Ouais, à part des déchiquetures de documents, là, pour vrai, là. Que, non, mais, ben, non, d'ailleurs, mais d'ailleurs, quand on y pense. Comment ça qu'on l'apprend juste cette semaine? Ça s'est passé en juillet, mais on l'apprend cette semaine. Ben, tu sais comment ils sont, les libéraux, hein? Non. Le cœur sans la main, hein? Tout le temps. Non, mais ils ont eu la décence. Non, mais ils l'ont dit. Ils ont eu la décence d'attendre, hein, pour ne pas nuire aux opérations de sauvetage à lac Mégantic. C'est pas une blague qu'ils ont dit ça? Ouais, OK. Ouais. Mais c'est quoi le lien? Ben non, mais ils voyaient que tous les journalistes étaient à Mégantic. Ils voulaient pas les déranger. Ouais. Voyons, ils faisaient un travail là-bas, les journalistes. Là. Chacun son spotlight. Ouais. Les autres, ils l'ont eu 9 ans. Ouais. Lac Mégantic, ils l'ont eu cet été. Là, chacun le job. Non, mais... Franchement, ça devait faire leur affaire, là. Ah, soyez pas cynique, Fred. Ouais. Soyez pas cynique. Non, mais les gens de Mégantic avaient besoin des journalistes, puis le Parti libéral, il aurait pu les rappeler. Venez, on a quelque chose à vous dire. Venez-vous-en. Mais non, il a dit, restez là, vous avez une job à faire. Puis ça, veux-tu te dire, c'est beau, ça, ce qui se passe. Ah ouais, non, ils ont le cœur sur la main. Vous savez ce qui était écœurant là-dedans? Hein? J'ai le moton. Ouais, bagarre. C'est qu'on l'a appris cette semaine, la marque libérale est en baisse au Québec. C'est écœurant, ça? Les gens sont ingrats. Hein? Je dis, des écœurants. Des écœurants, puis je parle pas juste des gens de Mégantic. Non. Partout au Québec, aucune reconnaissance envers le travail des libéraux. Moi, ça, je trouve ça écœurant. Ah non, mais j'espère qu'on va tous se rappeler aux prochaines élections, puis que le Parti libéral va se rappeler, hein, qu'on les mérite pas, nous, les Québécois. Mais c'est ça qui se passe. On est ingrats. On est ingrats. On est rendu là. Pendant que le PLQ fait pitié, le PQ prolonge le métro quand même. Là. Oui, vous avez entendu ça aujourd'hui. Ça, c'est une très, très grosse nouvelle. La ligne bleue dans l'Est, hein, dans le coin d'Anjou, je pense. Ouais. Hey, ça, c'était des investissements. Ils se rapprochent de leur clientèle naturelle, les gens plus pauvres. Ah, ben ça, c'est votre affaire, pas. C'est ça, c'est des réactions comme ça que je parlais dans la voiture. Faut réagir aux propos comme ça de Fred. Mais quand même, c'est un gros investissement, parce qu'on parle d'1,5 milliard de dollars. Ah ouais. Ça, ben, c'est ça va être près de quand, ça? Ça va être près dans à peu près 6 milliards de dépassements. Ah ouais? Ouais, c'est une drôle de date, ça. Ouais, c'est le calendrier de la FTQ. Ah ouais? Fonctionne de même, eux autres. Fonctionne pas en date, fonctionne en chiffres. Il n'y a pas de... J'ai hâte d'essayer ça, tu vois, ce nouveau métro-là. Vous serez plus là, c'est clair. Non. Tant que ça. Moi, je vais aller avec mes petits-enfants, si ça va bien. Hein? Hey, paraît que la chicane est poignée au conseil du statut de la femme, à cause de la charte, on a appris ça hier. Des madames qui chicanent, c'est pas un pléonasme, ça? Oh, bon. Hey, on comprend à quoi ça sert, le conseil du statut de la femme. C'est une blague, là. Pour rire, là. Voyons, non. Qu'est-ce qui est arrivé, là? Il y en a une qui a perdu son rouge à lèvres. Au début, je pensais que c'était ça, mais c'est beaucoup moins grave, finalement. Il paraît que le PQ a nommé 4 nouvelles madames pro-charte sur le CA. C'est ça qui s'est passé. Non, mais attends, en 2011, le conseil était bien d'accord avec un principe de charte. Il demandait exactement la même chose que Bernard a proposé. Mais c'est des madames. Ça change d'idée. C'est pas... Le mot social? Ouais, regarde, c'est ça. On fait avancer la société, puis c'est ça qui me rassure. Hey, en terminant, petite nouvelle de fun. Il y a Stephen Harper qui va avoir un centre d'interprétation des oiseaux migrateurs. On rit, j'ai même pas fini. C'est déjà drôle. Ouais. On se laisse-tu là-dessus? Mais c'est pas une blague, non, là. C'est pas une blague. Stephen Harper va avoir un centre d'interprétation des oiseaux migrateurs en son nom, en Israël. Pardon! Voyons donc! Mais c'est vrai! C'est pas une joke! Mais voyons donc, c'est-tu si drôle que ça? Ben oui! C'est peut-être parce que c'est plein. J'ai lu trop de fois. Ouais. Non, mais c'est la communauté juive de Toronto, en fait, qui a donné ça en cadeau à Stephen Harper en échange de son appui à Israël. Puis je trouve ça le fun. Mais là, dans ce centre-là, est-ce qu'il va y avoir des colombes ou juste des faucons? Petite joke de politique. Dans... Ben... Charles avait un fan ici. Hein? Il y a des gens qui lisent les journaux ici, ça me rassure. Ça cabotine. C'est juste des oiseaux migrateurs, comme je l'ai dit, Fred. Donc, des canards, des outards, des sénateurs conservateurs. Ouais. Ça voyage pas mal, ce monde-là. Ah ouais, ça vole aussi. Hein? Ouais, c'est sûr que ça aide. Hey, heureusement que nos invités de ce soir ne voyagent pas trop, parce que sans ça, ben, on n'aurait pas d'invités. Ben, ouais. Et on reçoit tout d'abord Normand Bradouet, l'animateur Normand Bradouet. Ouais. Ça, je suis très content. Non, c'est rare qu'on soit des grosses... Je me rappelle de lui quand il faisait ses annonces de lait, là, franchement meilleur. Ça, c'était une méga campagne. Oui, mais je t'ai pas né, mais mon grand-père m'a dit que c'était très bon. Ah ouais, hein? C'est... On reçoit également le député de la CAQ, François Bonnardel. Ben oui, mais voyons! Ah! J'aurais pu François Bonnardel, député de... Mais tu sais, je veux dire, bravo. Ouais. Vous avez pas de blague à faire, ça? Non, j'avais vu les sondages de la CAQ, mais moi, je fais pas de blague. Là-dessus. Ah! On va avoir le temps d'en trouver. Parce que la soirée est encore jeune, tout le monde. Hey boy! Hey, qu'il y a de l'ambiance ici. Fait qu'on va aller tourner ça dans un peu, Olivier Niquette. Ah, c'est fin. C'est des termes anglais. Ben il y a oui. pas de... Les gens, les gens peuvent nous suivre sur twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée est encore jeune, ou sur notre site radio-canada.ca/lasoirée, où ils pourront voir la pub du débat des candidats à la chefferie d'Option nationale avec des effets spéciaux qui vous auraient sûrement jeté à terre si on était en 1996. C'est capoté. Ben oui, ils ont de la technologie, mais ils ont du budget aussi. C'est plus drôle à voir qu'à raconter. Par exemple. Quand je disais que ça allait être moins... au courrier des auditeurs. C'est trop gros pour ce que c'est vraiment. Non? Pour le volume de courrier qu'on reçoit, oui. Mais d'abord, on a une question de Nicolas Arguindé qui demande « Pourquoi Facebook me dit que la soirée est encore jeune et semblable à Chantal Lacroix? » Ah. Ben, c'est parce qu'en sortant d'ici, mon Nicolas, là, on est toujours un petit peu pompette, là, puis nous aussi, on hallucine des tables qui bougent. Ah, ça rit, quand même. Ouais. Sinon, on a Yann Parson qui nous écrit. Oui. Lors de l'émission de la semaine dernière, Fred Savard a vertement critiqué les aubergines en les qualifiant de légumes frauduleux qui ne goûtent rien. Je suis perplexe, car lors de l'émission d'il y a deux semaines, il avait brièvement parlé du caviar d'aubergine en mentionnant que c'était très bon. J'aimerais avoir l'heure juste. Fred Savard aime-t-il, oui ou non, les aubergines? Non, merci pour cette belle attention. Les gens écoutent normalement. Non, j'ai juste dit que Micheline Langteau faisait des films qui pognaient pas, donc elle pouvait pas se payer du caviar d'œuf de sturgeon. Et c'était du caviar de... Mais j'ai jamais dit que le caviar d'aubergine est très bon. C'est-tu vraiment intéressant, tout ça? Non, mais c'est pas. Non, je persiste à croire que les aubergines, c'est une invention du lobby de l'huile d'olive. Tout simplement, ce légume-là n'est pas bon. OK. Hey, t'as la barbette, hein? Si on jase pas de vraies affaires. Merci beaucoup, Olivier. Hein? Plaisir. Hey, c'est le moment d'aller retrouver Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien, vous êtes où, là, ce soir? Ah, mais mon bon Jean-Philippe, comment allez-vous? Ben, ça va, ça va. Eh bien oui, ben comme vous le savez, hein, c'est le moment de poursuivre pour la 5e semaine encore consécutive ma série de grands entretiens intitulée « Viens voir les politiciens municipaux ». Bon, c'est beau, c'est comme si c'était la première fois que je l'entends. Oui, ça commence à être usé, votre affaire. Oui, et je me trouve cette semaine, mon bon Jean-Philippe, tout près de la banquise. Le restaurant sur le plateau, avec Philippe Schnell. Non, je vous parle de la vraie banquise, celle située à 15 heures de Montréal. Et oui, je suis présentement dans le Grand Nord, Jean-Philippe. Pour la soirée, c'est encore chaud, je me trouve présentement à Fermont. Ben voyons donc, vous n'êtes pas à Fermont pour vrai. Je vous jure. Ben, avez-vous une preuve? Oui. Brrr. C'est quoi ça? Ben j'ai froid. Ah ben ok. On va y aller de même, hein? C'est pas mal le plus qu'on va pouvoir avoir. Pas moi, il est UDA lui. Ouais, fait que... Qu'est-ce que vous faites dans la ville la plus plate au Québec, Jean-Sébastien? Ah, la ville la plus plate! Mon écœurant, Jean-Philippe Bossier! Ben ouais. Vous valez pas cher de la livre. Ben voyons donc. Vous êtes pas mieux que les autres, mon gros lard. Avec votre réplique, vous venez exactement de prouver combien Vincent Vallière a fait des dommages dans les mentalités des petits pendants comme vous cette semaine, Jean-Philippe. Bon, on exagère, là. Non, absolument pas, parce que pour ceux qui savent pas de quoi on parle, je parle du scandale de la semaine, le scandale signé Vincent Vallière, ouais, qui a sorti cette semaine une chanson qui s'appelle Fermont et qui raconte l'histoire d'un amoureux qui doit quitter sa blonde pour aller travailler à Fermont. Et imaginez-vous que le gars dans la chanson, il s'ennuie de sa blonde! Ça prend-tu un chien galeux pour écrire... Non, Jean-Sébastien, c'est assez, là! Hey, Et évidemment, hein, on s'entend là-dessus. La mairesse de Fermont était en beau tabern cette semaine. Elle trouve que c'est chien pour sa belle ville. Ouais. Même qu'elle a donné une entrevue cette semaine à Arcan pour dénoncer ce coup de cochon dont la ville a été victime. Ouais, c'est profite donc aujourd'hui de cette véritable tragédie et des élections à venir pour rencontrer la mairesse de Fermont. On va parler évidemment de sa campagne, mais on va surtout essayer de détruire la vie de Vincent Vallière, ce Hitler des années modernes. Bon, ben, je vous remercie beaucoup, Jean-Sébastien. Ben oui, bye-bye. On va procéder à notre premier invité, nous, je pense. Hein? Monstre sacré de la culture québécoise depuis les années 70. Il est maintenant à la barre de Belle et Bombe sur les ondes de Télé-Québec. Et non, ce n'est pas lui, la belle. Accueillons M. Normand Bratway! Bonsoir. Hey, Normand. Bonjour. Assoyez-vous. Oui, ça me fait plaisir. Ben oui. Bonsoir. Ah, de la Gutenberg, c'est bon. Ben oui, non, c'est de la bière sans gluten. Je vais m'en prendre une, d'ailleurs, je vais boire ça. C'est très bon. Oui, pour vrai? Il n'y a pas de gluten, mais il y a de l'alcool. Ben ouais. Ben, tu sais, quand t'as pas de gluten, il faut que t'aies d'autres choses. Ben oui. C'est ça, fait qu'ils mettent de l'alcool. Normand, merci de venir, premièrement. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Un monument. Pour vrai. Oui. Ben oui, oui, non, mais c'est vrai. Quel monument? Ben quand même. Tout un monument de la télé au Québec. Ouais. Puis on niaisait avec les pubs du lait. Ben, je suis pas capable d'ouvrir. C'est possible. Hein? J'en prends peut-être une aussi, moi, tant qu'à ça. C'est... Non, je suis désolé, il n'y en reste plus. Ouais. Mais c'est pas la première fois que vous ouvrez des bières. Non. Non, mais... Excellent. Fais de la musique, moi. C'est ça. Ça va avec ça. Ben oui, je me disais bien. Normand, on va parler tout de suite d'une chose. Puis, il y a beaucoup de monde qui s'ouvre des bières ici. Hein. On l'entend. Ouais, c'est vrai. Ouais. On a l'impression d'être dans un show rock. on va parler tout de suite d'une chose qui me fascine chez toi. Oui. Vous, chez vous. Moi, vous voyez. Moi, vous voyez. Ça va être bien. Non, mais gars. On parle souvent que vous êtes un fan de track hein, avant un show. Oui, oui. Non, non, mais c'est vrai. Puis ça me fascine parce que je me dis, après 250 ans de carrière, ça existe encore, ça. Non, mais ça existe encore, le track. Non, non, oui. Puis c'est avoir le track avant d'entendre. C'est de pire en pire. Ben voyons donc. Oui, oui, sérieux, parce que je donne l'exemple d'Yvon Deschamps. Yvon, à un moment donné, il a pris sa retraite parce qu'il en avait assez fait. Mais une des raisons, moi, j'ai fait Samedi de rire avec lui. Oui, ben oui, on s'appelle. Il n'a pas capable de respirer avant le show. Ben oui, c'est qu'à un moment, tu as deux façons de le prendre. Soit tu te dis, ah, ben, ça fait longtemps que je fais ça, ça va être cool. Ou tu dis, ça fait longtemps que je fais ça, le monde, sont-tu tannés de me voir, je vais-tu le faire correct? Moi, il n'y a rien qui me fait plus peur que quand les gens disent, ah, t'animes les Gémeaux, mettons. Ouais. Ah, ça va bien aller, tu l'as fait 12 fois. Ouais. Ça, c'est effrayant. C'est écœurant, ça. Et la pire phrase au monde, pour moi, c'est, et voici l'animateur de la soirée. Puis si on marque les anciens galas des Gémeaux, les derniers que j'ai fait, je fais enlever cette phrase-là parce que c'est comme tu viens. Il y a même un moment donné, j'ai comme manqué d'oxygène avant le show. Faut dire que c'était Diane Pierre, la Richard. Ah ben non, mais je comprends. Non, mais c'est celle qui donne le vin à tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Très belle. Je suis tombé dans ses bras. Mais, mais en queue, t'as fait exprès. Ouais, tu okay. Non, mais sérieusement, c'est extrêmement fréquent parce que plus t'en fais, plus que tu sais ce qui peut pas marcher. Eh hey, mon Dieu, on dirait que j'avais pas vu ça de même. Ouais, c'est ça. C'est pas ma psychologue, elle pense pas que je suis correct. Quand je pense demain. Ben, il n'y a peut-être pas juste votre psychologue. Mais Belle et Bombe, regarde, Belle et Bombe, ça fait des années. Ben, ça fait 11 ans. C'est comme le dernier show de ma vie à chaque fois que je le fais. Et pourtant, on continue. Oui, parce que je ne sais pas faire rien d'autre. Arrête, ben voyons donc. Et ça me donne beaucoup d'argent, tout ça. je vomis pas pour le plaisir. Ben non, ben on imagine bien, on imagine bien. Oui, oui. C'est pas l'anorexie non plus, j'imagine. Non, non, pas du tout. Okay, non, ça, c'est vraiment pas mon problème. OK, good. T'as rien pour t'atteindre, boulimie. Non, mais on parlait des Gémeaux, parce que là, on vient de finir la semaine des Gémeaux, justement. C'était René qui animait. Oui. On a passé, l'année d'avant, c'était Joël Legendre. Oui. Et, ben, vous l'avez dit, vous avez animé quoi? 7, 8? 12, 13 ans. Mon Dieu, 13 ans de Gémeaux. De suite, en plus, hein? Ouais. Parce que ça allait bien. Oui, ben oui. Ouais. On s'attend à un appel bientôt pour l'année prochaine? Non, pas du tout. Je pense que j'ai fait le tour, tu sais, je m'insérais dans les... D'ailleurs, c'est Billy Crystal faisait ça aussi. Ben oui, c'était super mais drôle, nous ça. Autres, on le faisait. On l'a fait avant lui. Arrête. Ouais. S'insérer dans les émissions de l'année. Oui, les émissions de l'année. Ouais. Mais à un moment donné, t'as fait le tour de ça. Puis les dernières années, ce que je trouve dommage aux Gémeaux, c'est que ton monologue d'ouverture, essentiellement, il faut t'expliquer pourquoi il y a moitié du monde de la business qui sont pas dans la salle. C'est bien fatigant, ça. Ça, c'est maudit. Parce que t'es supposé être un party, puis là, tu dis, ben, ah, Fabienne n'est pas là cette année. Là, les jokes de Fabienne, à un moment donné, tu fais le tour. Ouais, non, t'as fait le tour. Le problème, c'est qu'elle fait tellement d'émissions que t'es comme poigné pour. Ouais, c'est ça. Faut que tu le dises, puis faut que t'en parles. Puis je suis pas sûr si le public, il sait tout ça. Mais je suis pas sûr que le public s'en sac pas complètement dans ça. Mais c'est vrai, parce que tu fais ton. Puis à un moment donné, ça devient un party de bureau, tu sais, parce que là, t'es là, ah, Fabien n'est pas là à cause que... Là, tu sais même plus pourquoi, tu sais que c'est une affaire de producteur, puis moi, je me dis, le monde, ça, Jésus, à la TV, ils savent pas vraiment. Non, non, ils n'en ont aucune idée. Ils aiment juste Guylaine Tremblay, puis c'est tout, ils savent que c'est... Non, mais c'est absolument vrai, ouais, c'est des insides de business mais aussi. Oui. Mais là, bon, après deux années, justement, on disait Joël Legendre, René Simard, on reverra pas, donc, dans Norman Bradway, mais est-ce que... parce que je sais pas si tu as assisté, si vous avez assisté au gala de l'après-midi. Non, oui, oui, j'étais là, oui. C'était toi qui le faisais. C'était bien animé. Hein. C'était vraiment c'était terrible. C'était ouais. Pour vrai, là. Ouais. C'est ça, de ouais, non, non, ben c'était je vraiment... Aller, je joue ça, là. Moi, d'après moi, à leur plan, je te prendrais comme faire le gros gala, tu sais. Bon, ben c'est dit. Je pensais ça que... Mais je m'en allais vers là, non, ça c'est a été comme fait un mélange. T'as de la bitcherie, mais de la bitcherie... c'est dur de faire de la bitcherie. Ben, c'est pas facile. Tu sais, faut que tu bitches, puis il faut que les gens trouvent ça drôle. Faut que ça soit inclusif. Oui, ouais, faut que ça soit inclusif. La bitcherie inclusive, ouais, c'est ça, mais ça prend un temps. Ouais. Parce qu'une joke peut te scraper un gala, tu sais. Oui, j'imagine. Mais il y en a une couple des jokes qui vous ont scrappé des galas. Oui, beaucoup, beaucoup. Il y a des jokes qui m'ont scrappé des finances. Si ah ouais? J'ai... Ah oui? Oui, oui, oui. J'ai été poursuivi, moi, pour des... Ah ouais, des blagues. Des blagues. Mais on parlait de jokes inclusives, là. Ouais. Parlant de jokes inclusives, la charte, on va en parler, parce que je trouve ça intéressant. J'aimerais ça vous entendre là-dessus, parce que c'est... vous avez reçu le prix québécois de la citoyenneté il y a 5-6 ans. Ouais. Qui visait à contribuer à la promotion du rapprochement interculturel. Ouais. Ça, c'est funny, parce qu'on dirait que c'est pas ça qui se passe avec la charte. Non, je sais. C'est vraiment pas le rapprochement. Je suis tellement content de pas m'occuper de tout ça. Et non, puis sérieusement, une de mes grandes... Genre un gala de la charte, l'animé, un gala ouais, ça te fait un beau public, ça. Mais tu sais, une de mes grandes amies, puis ça n'a jamais été un secret, c'est Yolande James, qui était ministre de l'immigration, ensuite qui a été ministre de la famille, qui maintenant a une famille, elle vient de faire un bébé, alors elle est tranquille chez elle. Puis souvent, on a parlé de ça, et c'est comme c'est tellement une patate chaude. Ouais, ça n'a pas de bon sens. Parce que si tu dis à quelqu'un, où c'est que, moi, c'est mon problème, c'est où c'est que ça devient correct. Parce que moi, dans ma tête, je peux pas mettre un masque de Batman pour aller dans une banque. Non. On s'entend, oui, ça marche c'est... pas. Le gardien va m'arrêter tout de suite. Tannant, c'est tannant. Fait que là, si la madame elle a un masque d'en face, mais elle dit au gardien, mais parce que ma religion... Ben, tu sais, le meilleur exemple, c'est une femme dans un procès pour meurtre. Elle a trippé Star Trek. Fait qu'elle est arrivée déguisée en M. Spock. Elle était jurée. Puis elle était déguisée en M. Spock. Et là, le juge a fait, fait pas être déguisé. Elle dit, pourquoi? Ben, il dit, ça n'a pas de bon sens, là. C'est un projet de procès. Ben, elle dit, moi, je crois en les valeurs de Star Trek, puis tout ça. Puis finalement, elle a pu rester de même, Fabien Spock. Les fameuses valeurs de Star Trek. Mais, à quelque part... Elle n'a pas eu à se beamer. Oui, oui. Mais tu sais, le problème, c'est que tu la reconnais. Ouais. Moi, je vais plus loin, je ne vais pas me mettre dans le trouble, mais du moment où tu dis le mot charte, tu es dans le trouble. Ouais. Moi, je me pose sérieusement des questions. Pourquoi cacher le visage d'une femme? Tu sais, ça va jusque-là. Ouais, ouais. À quelque part... T'as beau me dire oui, OK, mais pour... ben, cachez-vous toute la face. Ouais, c'est ça. Toute la gang. Faut que ça soit égal pour tout le monde. Ben oui. Ben oui. Tu sais, puis Dieu sait qu'il y a bien des gars qui devraient se cacher. Ben, puis je veux dire, je veux pas pointer personne dans le public, mais il y a plein de gens dans le public qui. Ils peuvent assister à une émission parce que c'est à radio. Ben oui. Je viendrai jamais à Belle et Bonne parce qu'à cause de la caméra est sur vous. On reçoit Norman Bradway cette année parce que j'ai l'impression que Norman Bradway a plus de temps libre. Une seule émission. Oui, j'ai juste ça, c'est une première comme à vie, hein, on va le dire. Ouais, j'ai fait un quiz qui n'a pas marché pas tout. C'était quoi déjà? Ben, je ne me souviens plus. Non. C'est un quiz qui s'appelle Privé de sens, qui était un quiz de Jean-Michel Anctil. Ouais. Et je pense pas que c'était tellement le... Je ne sais pas tellement le bon animateur pour animer ça. Non. C'est-à-dire qu'il y avait la moitié du quiz qui était comme un genre de piment fort, là, genre on niaise, on fait des passes, on se change d'affaires. Ça, ce bout-là était bon. C'était beau. L'autre bout, c'était comme un génie en herbe. Ah. Puis ça, moi, je suis dyslexique. Fait que, toi, déjà, en partant, je vous montre une lettre, puis vous me dites c'est quoi la lettre. Puis tu peux même pas dire c'est quoi. Là, il y avait. Fallait faire un bris d'égalité, tu sais. Puis là, c'est écrit quelle est la capitale du. Puis moi, je voyais Choukmakmounou, Kouakak. Fait que j'étais pas très hot. Mais ils m'ont sacré dehors. Ben, en fait, ils m'ont expliqué qu'ils. J'étais sacré dehors. Qu'ils me sacraient dehors. Avec un chèque. Et puis, correct, puis après, un autre animateur qui était très bon, mais le show a pas marché non plus. Fait que, à quelque part, je me dis, bon, ça devait pas être juste de ma faute. Ben non! Mais je ne l'ai pas écouté, par exemple. Non, moi non plus. OK, good. Je vais être bien honnête. Mais là, justement, juste Belle et Bonne, on dit juste, mais c'est tout un show. Troisième année à Belle et Bonne. Oui, oui, oui. En ondes, ça, c'est fascinant. En ondes, première diffusion le samedi, en reprise le vendredi d'après. C'est la seule émission au monde où la reprise... Et juste avant la... Et juste avant le show. C'est ça. Et c'est un concept. C'est ça. C'est exceptionnel quand même. Ça donne l'impression que c'est une quotidienne. Oui, oui. Moi, j'ai l'impression que je travaille tous les jours. Fatigué, là. Non, mais il y a aussi, c'est que il y a bien des shows comme ça qui te prennent la semaine à quelque part. Ben oui. Moi, ça me prend le dimanche, lundi, oublie ça. Mais j'ai habitué les gens à avoir deux, trois projets en même temps. Ouais, fait que le monde me parle, je dis, ouais, ça va pas bien, t'as juste... tu fais des annonces de Renault Dépôt, puis Belle et Bonne. Ouais. T'as-tu d'autres, t'as-tu des projets? T'as-tu d'autres choses? J'ai dit, non. Hey, hey, shit, boy. Ça va pas bien. Tu t'ennuies-tu du métier? C'est moi, bientôt, je vais dans Qui sont-ils devenus dans le lundi? Qu'est-il devenu? mais là, pour vrai, il y en a d'autres des projets qui s'en viennent, là, des gros? Oui, il y a des. J'ai des projets d'émissions de télé, là, bien sûr. Puis j'ai même des projets de scène, puis il faut que je décide très, très bientôt. Bien, mais normalement, vous restez avec nous parce qu'on va avoir François Bandel, on va parler de la charte toute la fin. Ah, ça a l'air bien le fun ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Tu m'auras jamais entendu pas parler comme ça. Mais j'ai très hâte de ne pas t'entendre. Oui. Hey, les perquisitions au bureau du Parti libéral du Québec vont peut-être rendre certains objets disponibles sur le marché. Et je pense que c'est le temps d'aller rejoindre notre ami Serge Quelque Chose. On écoute. Salut, c'est Serge Quelque Chose en direct de la grande vente de feu du PLQ. Nous sommes prêts à vous accueillir toute la fin de semaine sur le boulevard Charest. On a plein de beaux rabais pour vous. C'est presque illégal, tellement on en a. On a un lot de déchiqueteuses à vous offrir. Vraiment, vraiment pas chères. Elles ont beaucoup servi, mais elles sont encore en très bon état. On a des vases pour mettre des bouquets de roses. Ça aussi, ça a beaucoup servi, mais c'est de qualité. C'est de la porcelaine italienne, Zambito, à manipuler avec soin. On a des photos autographiées de Céline Dion. Il en reste quelques-unes, mais dépêchez-vous. Je serais pas surpris que Nathalie vienne toutes les chercher. On a également un lot de bracelets de l'amitié portés par Philippe Couillard et Arthur Porter. Ça, c'est presque neuf. Ça pas beaucoup servi. On a à liquider une palette de gravoles si jamais vous êtes invité sur le bateau de Tony à Curso. Ça peut être pratique. Les gens d'ici n'ont plus le droit d'y aller. On a également des caisses de lunettes roses, très utiles quand ça ne va pas bien. C'est le même modèle que porte Jean Lapierre, donc très efficace. Et on vous avertit tout de suite, si vous voulez acheter un député, ça va être difficile parce qu'ils sont presque tous vendus, mais il nous en reste quelques-uns et vous pouvez vous faire prendre en photo avec eux avant que l'UPAC passe la gratte. Jusqu'à dimanche soir sur le boulevard Charest, la grande vente de feu du PLQ. On n'est pas encore brûlé, mais mettons que ça commence à sentir le chauffer. On va aller rejoindre Jean-Sébastien Girard qui est à Fermont. Jean-Sébastien? Oui, bonjour Philippe. Toujours à Fermont, effectivement. Je viens d'arriver à l'hôtel de ville où j'ai rendez-vous avec Mme Lise Pelletier, la mairesse détruite littéralement par l'événement Vincent Vallière. Oui, c'était carré. Mais malheureusement, elle n'est pas là. Je suis un peu étonné de son manque de parole. J'espère qu'elle ne va pas faire la même chose qu'à Catherine Perret hier et annuler son entrevue à la dernière minute. On est en direct quand même, mais je ne pense pas, Jean-Philippe, qu'elle va nous faire ça. Ben non. Alors, en attendant, je vais sortir à l'extérieur. Bon, la ville, évidemment, est totalement détruite ici sur le plan émotif, mais c'est tellement beau, ça n'a pas de bon sens. On est visiblement dans la période où il fait jour pendant 6 mois d'affilée. D'ici, j'ai une vue imprenable de l'Alaska, de la Sibérie. Je pense vraiment qu'il faut être mongol pour s'ennuyer dans une aussi belle ville. Oui. Et en attendant la mairesse, je vais faire une petite interview avec des gens là, qui se promènent comme ça, pour connaître leur opinion sur l'affaire Vallière. Bonjour, madame. Pardon, est-ce que vous parlez de l'Inuk? Tout ou le français? Français. Parfait. Madame, j'aimerais savoir, j'ai un rendez-vous avec la mairesse. Elle n'est pas là. Est-ce que vous savez où elle est? Non, mais là, mon pauvre, Mme Petit, c'est pas fiable. Ah non, elle n'est pas fiable? Mon Dieu, que je suis déçue. J'espère qu'elle n'est pas retenue par l'UPAC. Ça m'étonnerait pas, par exemple. La mairesse est toujours pas arrivée. Je dois vous dire que je suis pas vraiment fâchée, parce que quand même, je comprends son drame. À sa place, ça ferait longtemps que je serais allée au Renault Dépôt m'acheter un tabourette puis 5 pieds de corde. À tout de suite! Écoutez, la soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Vautier sur les ondes de Ici Radio-Canada Première, l'émission qui, comme le PQ, génère beaucoup de vent, mais pour pas mal moins cher. J'ai chaud! Fred, t'avoue. Oui, écoutez, je pense qu'on parlera pas de la charte. Hein. On est un peu tanné, les opinions pullulent un peu partout. Et j'aimerais ça. J'ai envie de renouer. J'ai pris une petite semaine de vacances. Encore? J'ai envie de renouer avec mes chroniques hommages qui ont tant plu la semaine dernière. Les gens m'en ont parlé tout l'été. Et comme nous recevons une légende québécoise. Je pense qu'il est doublement temps d'y aller d'un hommage Normand Brathwaite. Oui, bon. Encore une fois, pour les plus jeunes, hein, c'est-à-dire les gens qui sont ici en studio pour l'enregistrement. La plupart, probablement des sans-emploi ou des étudiants sans smol. Il est quand même... on enregistre à 16h. Hein. Et c'est donc Normand Brathwaite. Il est un monument de la culture moderne québécoise. Je dirais qu'il est même plus que cela. C'est un véritable pionnier et sa carrière en fait foi. Ça commence à la fin des années 70 avec l'émission Chez Denise où Normand y joue, à ma connaissance, le premier rôle d'un représentant d'une communauté visible dans l'histoire de la télé québécoise, c'est-à-dire un plongeur à la négritude quelque peu caricaturale, un rôle qui fut marquant, en partie pour son fameux patois Tabanouche! Que nous nous répétions inlassablement dans la cour d'école. Vous savez, je jouais au ballon chasseur avec votre grand-père dans la cour d'école et on disait ça, ouais. On y retrouvait également André Montmorency, qui était un homosexuel caricatural, Louise à travers en hippie caricatural, Roger Joubert en chef cuisinier français caricatural. Bref, une émission caricaturale, mais à cette époque, c'était courant à la télé, alors qu'aujourd'hui, c'est l'époque au complet qui est rendue caricaturale. Cette émission fut un immense succès et Normand fait figure de pionnier de l'intégration des communautés visibles dans l'imaginaire québécois, car grâce à lui, ils sont maintenant partout en télévision. Hein. On n'a qu'à penser à Widémir Normand dans l'Auberge du Chien Noir. Hein. Voyez, sans la part de Normand, ce serait peut-être l'Auberge du Chien Blanc à la place. Hein. Faut pas l'oublier, ça. Certains diront que des Noirs, il y en a peut-être trop maintenant au Québec. Et si, comme moi, vous déplorez ce type de commentaires, appelez votre député comme Bernard Drinville nous a demandé de le faire. Paraît qu'ils sont en mode écoute ostentatoire au PQ ces temps-ci, même si ça paraît pas. Après chez Denise, donc, Normand Brathwaite poursuit son travail de défrichage au début des années 80 en prenant part à l'aventure de Pied de Poule et La Cage aux Folles, des comédies musicales pionnières au Québec et qui ouvriront la voie au raz-de-marée des Notre-Dame de Paris, Don Juan et autres maudits shows plates de chansons longues qui ont pullulé par la suite pour celle-là, on vous remercie pas. Heureusement, il participa quand même de façon positive à la chanson québécoise avec son aventure dans le groupe Soupir et la fameuse pièce Les Larmes de métal qui inaugurera l'âge d'or de la New Wave québécoise, un âge d'or qui a exactement duré un avant-midi avec cette chanson qui fut tout de même un méga succès qui franchement s'écoute encore très bien aujourd'hui, mais contrairement à la plupart des chansons de l'époque comme Il y a trop de beaux gars ou n'importe quelle chanson de Véronique Béliveau. C'est à peu près à ces années-là qu'il deviendra une légende de l'improvisation et contribuera à donner ses lettres de noblesse à la LNI. Encore une fois, on voit ici l'empreinte du défricheur puisque c'est depuis cette époque que nos gouvernements ont eux-mêmes adopté l'improvisation et le cabotinage. Viens après Samedi de rire, on en a parlé tantôt, un concept original québécois qui a animé nos samedis soirs. Ça aussi, c'est une belle époque parce que maintenant, on achète à fort prix à peu près la même chose des États-Unis avec Saturday Night Live. À l'époque, on créait de la télé originale au Québec. Moi, j'adorais cette émission. Normand Brathwaite poursuivra son travail de défrichage en créant la mythique émission Beau et Chaud sur les ondes de Radio Québec. C'est là qu'on découvrit la relève musicale du Québec de l'époque qui se résumait essentiellement à Jean Leloup et Jim Zellers. Mais c'est aussi à Beau et Chaud qu'on découvrit des chroniqueurs complètement disjonctés et décalés, deux mots maintenant aussi galvaudés qu'ostentatoires et chouettes. Ainsi donc, nous découvrîmes Marc Labrèche et sa grenouille Yolande, les chroniques rock d'Edgar Fruitier, Jean-Michel Dussault et encore Jim Zellers. Mais Normand ne s'arrêta pas là, il fut également le pionnier du bullying, hein, on peut le dire, avec son émission Piment Fort au début des années 90, à une époque où l'intimidation n'était pas la maladie collective qu'elle est devenue aujourd'hui. C'était quand même le bon temps où on pouvait faire des blagues de tapette et de comédienne guédaille qui couchait avec le bottin de vidéo à heure de grande écoute. Dire qu'aujourd'hui c'est illégal de faire ça et certains appellent ça une évolution, permettez-moi d'en douter. Le temps me manque malheureusement pour vous parler de Normand Brathwaite, le titan de la radio. Il a été morning man pendant 15 ans au sommet des codes d'écoute. Je préfère m'arrêter ici pour ne pas ensevelir M. Brathwaite sous les compliments. Ça pourrait le rendre nerveux et lui donner le trac. Et notre seau à bière est déjà assez plein, merci. Merci vraiment. Excellent. Oh! Et bien, on va aller retrouver Jean-Sébastien Girard, toujours à Fermont. Jean-Sébastien? Ah, bon, Jean-Philippe, mais aussi, Fred, vous avez oublié, il y a un petit comédien aussi dans Les Noirs, là, que vous avez oublié. Ben, je sais pas. Non, il était bien bon avec les enfants. Ah, Jean-François Ressoune! Oui! Oui, oui! Ça fait un bout qu'on l'a pas vu, lui, hein? C'est tellement aigreux, le métier de comédien. À un moment donné, t'es là. À un moment donné, t'es plus là. OK, allez-y. Mais toujours, je suis avec Mme Pelletier en attente de... Hein, parce qu'elle est complètement détruite, probablement, par l'écœurant de Vincent Vallière. Elle s'est toujours pas présentée. Pourtant, son attaché m'avait confirmé sa présence. Mais je me promène toujours à l'extérieur. Il fait pas chaud, mais mon Dieu que c'est beau. C'est plein de phoques et de capteurs de rêves partout. Bonjour, Philippe. C'est calme. Il y a personne à l'horizon. Oh, attendez, il y a quelqu'un qui s'amène. Attention. Ben, voyons donc! C'est Gabriel Nadeau-Dubois! Mais qu'est-ce que ici, mon bonhomme? Est-ce qu'il y a des sables bitumineux dans le Grand Nord? Mais non, bonjour, Philippe, non, il n'y a pas de sables bitumineux. Je suis venu, en fait, me chercher une job dans le Nord. Ben voyons donc, dis-moi pas que t'es déjà tanné de travailler avec la belle et inspirante Lise Ravary, mon gaboulou? Non, écoute, je m'entends très bien avec Lise. On a même signé, d'ailleurs, le même manifeste, hein, contre la Charte des valeurs québécoises. Ouais. Oui. C'est vraiment pas ça le problème. Le problème, en fait, c'est vraiment Marie-France Bazot. Ah oui. Tellement à gauche, là. Moi, travailler avec du monde gauchiste de même, je suis vraiment plus capable. Je le sais, elle est pas bien, cette femme-là, Gabriel. Mais honnêtement, la question que j'ai envie de te penser, tu penses quoi de l'affaire Vallière? Est-ce que ce gars-là, il est malade dans la tête? Pourquoi tant de haine et de xénophobie envers les gens de Fermont? Est-ce que, Gabriel, ce serait pas la faute à la Charte à Marois? Est-ce que la première ministre a soufflé sur les braises de l'intolérance de Vincent Vallière? Oh, il y a vraiment aucun doute sur ça. D'après moi, on est vraiment devant un des impacts directs de la Charte des valeurs québécoises. C'est vraiment en train de déchirer le Québec. Même Mathieu Bock-Côté, là, arrête pas d'écrire des articles là-dessus. Vraiment, ça m'inquiète moi aussi. Le Québec est extrêmement divisé, pareil comme à l'époque de Jean-Guy Tremblay et de Chantal Daigle. Merci beaucoup, Gaboulou Bonhomme. Tu reviens quand tu veux, t'es chez vous ici à la soirée, t'es encore jeune. Et ben oui, à la prochaine. Dans quelques minutes avec, j'espère, la mairesse de Fairmount. Hey, salut, hein? Bye bye. Prochain invité, frère. Député de la coalition Avenir Québec, il a, paraît-il, beaucoup d'humour et on le croit être député de la CAQ ces temps-ci. Ça doit en prendre de l'humour. Voici M. François Bonnardel. M. Bonnardel. Normand, faut pas s'en aller si loin que ça. Non, reste là. Non, écoute, c'est un hommage, j'étais sûr. Ben non, ben je sais bien. Ouais, quand t'es écouté Piment Fort toute ta vie, là. Ben oui, ça c'était. C'est un monument pour moi, là. Mais Piment Fort, c'était drôle. Oui, c'était drôle. Pour vrai, là. C'est de valeur, ça devrait revenir parce qu'on l'a fait juste pour. Excuse-moi, je veux pas prendre. Ben non, y'a pas de problème. La CAQ se fait tout le temps faire ça par Pauline Marois, tu vois. Prends la dépliance. Mais là, je parle des jokes qu'il faisait. Non, mais ça marche encore, oui. Il faut pas arrêter d'être momoune. Ça faisait longtemps qu'on avait reçu un député de la CAQ et on se demande est-ce que vous l'avez déjà eu un, ouais? Deux. Mais non, on a eu François. C'est Virois, on a eu François Legault. OK. On Jacques Duchesneau. C'est vrai. On n'a pas dit pas tout. Quasiment l'équipe au complet. Oui, c'est ça. Mais non, mais on se demandait, est-ce que vous nous aimez ou non? Absolument. Ah oui, bon, parfait. Je refuse jamais rien. Non, c'est vrai? Jamais rien. Ah, bon, vous avez jamais appelé. C'est ça, non. Toutes les entrevues. C'est pas loin, Granby, ici, là. Ben non, c'est vrai que c'est pas si pire. Et la question qui nous trottait dans la tête, c'est est-ce que c'est la dernière fois aussi qu'on soit un élu de la CAQ? Parce que ça va pas bien. Tu sais quoi? Dimanche matin, je me lève. Ouais. J'étais à la maison avec ma blonde. Puis là, je regarde mon iPhone. Puis tous les courriels sont rentrés. Puis je regarde le premier sondage. Dimanche matin, je fais Forum Research, 12 %. Ben 12, je fais, chérie, pense que je m'allais au bureau du chômeur à la prochaine élection. Ben oui, hein? Là, le lendemain matin, qui était chômage et tough. Ouais, c'est ça, qui était le léger. Ouais. Oups, 18. Ah, ben ça va mieux. Ben je dis, bon, OK, t'as encore envie, on va peut-être survivre la prochaine. Puis mercredi, il y avait le crop dans la presse qui où on est monté à 21. C'est un défi énorme. La politique, c'est une théorie du petit pas. Puis à quelque part, vous le savez tous, vous avez étudié la politique, vous avez regardé, briser cette dualité qui existe au Québec depuis 40 ans. Bien, tout le monde a vu le parcours de Mario Dumont de 94 jusqu'à la fusion de la coalition. Puis moi, je me bats pour cette troisième voie depuis 2007. Puis c'est ça, c'est un défi énorme. On va y arriver, parce que les défis, encore une fois, choc démographique, indice de natalité... problème de taux de décrochage scolaire si élevé au Québec. Mais justement, se battre là-dedans, parce que là, on faisait allusion au début de l'entrevue, que ce soit Philippe Couillard, ben bon, ben peut-être moins lui parce qu'il n'est pas en chambre ce temps-ci, mais Pauline Marois et le Parti québécois, il vous laisse très peu de temps. Il vous laisse aussi, ils répondent presque plus à ce que vous dites. C'est ça qui doit être frustrant. Mais c'est vrai! Vous voulez parler d'économie. Hein? Vous arrêtez pas de dire que les gens veulent parler d'économie. Ben, le grand défi du Québec, c'est aussi ça. Imaginez, là, vous envoyez une pièce de vos impôts à chaque semaine à Québec ou aux deux semaines. Sur un dollar d'impôt, présentement, il y a 48 sous qui va à la santé, il y a 24 sous qui va à l'éducation. Puis le troisième poste budgétaire, c'est quoi? La dette. Service de la dette. Mais c'est pas si c'est pas cher, mais en même temps, une pièce par semaine, c'est pas si pire que ça. Tu fais l'équation de ces trois-là, imagine que ça. Là. Et ton taux d'imposition, normalement, il doit être taux dans la braquette la plus, peut-être, moins élevé, plus élevé. Bon comptable, normalement, ça t'en sort bien. Trois postes budgétaires qui coûtent près de 82 sous, il reste 18 sous pour tout payer le reste. Ça sera pas évident. Ça sera pas évident dans un contexte où le choc démographique va nous frapper. On est la deuxième nation la plus vieillissante au monde après le Japon. Regardez notre équipe, si Fred, les jeunes, va falloir qu'on aille tout le monde des bacs, qu'on travaille le plus possible pour supporter puis payer les acquis sociaux que nos parents et grands-parents ont payés. Puis c'est ça qui va être un énorme défi des 15 ans. Par acquis sociaux, est-ce que c'est un autre mot pour dire vieux? Pour supporter les vieux. C'est le système de santé, c'est l'éducation, c'est tout ce qui vient avec, nos CPA et tout ça. Vous le savez, vous avez commencé à travailler, vous envoyez des taxes puis des impôts, puis ça, ben, il faut y payer. Ouais. Mais quel sujet intéresse les gens en ce moment? Parce que là, c'est la charte qui prend le dessus. Vous parlez souvent, j'entends souvent François Legault dire « Les gens veulent entendre parler d'économie ». Je vais poser une petite question aux gens. Est-ce que vous voulez entendre parler d'économie? Non. OK, mais on va reposer la question. Okay, en voulez-vous plus dans votre portefeuille? Ah. Non, impossible. Ben, il y en a pas beaucoup déjà. Défi. C'est quand même... Vous savez, le défi de vulgariser un message économique, financier, c'est un peu ça. C'est sûr, demain matin, si on vous dit on va réduire les impôts de 3 milliards, vous allez nous regarder, vous allez faire, hey, il y a moi la gang de caquistes qui vont réduire les impôts de 3 milliards. Personne ne va nous croire. On va devoir y aller par étapes. Puis je pense que vous êtes fait promettre, puis je ne veux pas faire de partisanerie ici. On se souvient de 2003. Jamais, jamais. Jean Charest a dit, vous inquiétez pas. Baisse d'impôts d'un milliard par année pendant 4 ans. Avez-vous vu une trace de ces J'ai pas vu un milliard dans mes poches, moi, depuis. Bon. Alors, je m'attends voilà. À ce milliard-là, fait moi. Au final, il faut être réaliste. La situation. Vu le milliard. Ouais. Ben, une partie, mais j'apprends pas avec la baisse d'impôts. Papier, là, quand même. C'est gros, là. Ça sera pas évident, là. L'indice de natalité est un des plus bas en Occident, puis ça, c'est le choix que les familles au Québec ont décidé de faire. Un taux de décrochage scolaire. Plus élevé au Canada, puis un choc démographique qui va nous frapper. Imaginez, les trois ici que vous êtes en avant, là, ouais. En 2016, vous allez 3 travailleurs pour un retraité. 3 personnes qui vont payer des taxes et des impôts, quand 40 ans plus tôt, là, vous étiez 9 pour un. Alors, imaginez le défi qu'on va avoir pour vous éduquer, hey. Bien vous éduquer, puis vous faire payer des taxes et des impôts et pour supporter les acquis aussi. Sociaux. Ben ouais. Bien vous avouer. Alors, ça va être l'énorme défi que le Québec va avoir. Puis, je pense que le suicide à cité et tout, là, ça va être une belle voie, ça. Ben, ça va être à réfléchir. Mais merci beaucoup. Hein. Ben oui. On s'achera d'accord chez Renault Dépôt. Ça prend 5 pieds, je pense. Je le lance comme ça. On a beaucoup parlé et on parle beaucoup depuis quelques années, en fait, d'un manque de grands projets, des grands projets d'envergure au Québec. François Legault va sortir son livre mi-autobiographique, mi-promotion de son grand projet Saint-Laurent, il en a parlé au début de l'été, mais il y a des gens... Ouais, les gens... Je sais pas quoi... Je pense que c'est un nerveux. C'est un déficit d'attention. On peut pas rire comme ça pour rien. Parce c'est un vertige. Le projet Saint-Laurent a été bien reçu, mais est un peu mort dans l'œuf. On en a parlé, l'idée est bonne, ouais. Maintenant on va où avec ça? Et vraiment, c'est mort. On n'entend plus parler du projet Saint-Laurent, qui était le seul gros projet de société en fait qu'on a proposé, que ce soit le PQ, le PLQ ou la CAQ. Et je ne veux pas faire de partisanerie ici, parce qu'on ne fait pas de partisanerie ici. Non, pas du tout. Non, mais le livre de M. Legault va être publié à la mi-octobre. Vous le disiez tantôt, ce n'est pas évident de faire sa place à l'Assemblée nationale. Vous le savez, il y a le Parti libéral, il y a le Parti québécois, il y a nous autres, il y a Québec solidaire. Il y a l'Option nationale aussi. L'Option nationale qui se cassait le bûcher aussi. Alors, tu sais, quand tu obtiens ton petit 5 secondes de clip à la fin aux nouvelles le soir, ou une minute ou deux, puis tu essaies de faire passer un message, quand tu as légèrement le temps, bien, ça peut nécessairement être vu différemment. Mais le projet Saint-Laurent, qui est un projet à la Silicon Valley que la plupart d'entre vous connaissez en Californie, qui est un principe où l'innovation va être bon pour le Québec. On va trouver des arrimages entre les universités puis les entreprises qu'on veut apporter, qui va amener aussi du tourisme, qui va amener aussi tout ce qu'on pourra apporter, qui va être bénéfique. Pour le Québécois, vous allez l'entendre parler. Le livre va être publié au mois d'octobre. On va avoir notre congrès. Ben, ça va être bon. C'est une autobiographie qui explique en même temps le projet Saint-Laurent. Mais au final, les Québécois, ils veulent quoi? Ils veulent une vision. Ils veulent quand même rêver. On a été en campagne électorale la dernière fois, puis on a bûché sur bien du monde. Ouais. Ça, je pense que vous le savez. Ouais. On a bûché sur bien du monde. Les gens se sont dit, ça n'a pas d'allure, la CAQ, c'est le chaos, c'est comme le DQ du temps. Ben, c'est un peu ça qu'on a... Oui, ouais. C'est vrai, il y a quelque chose. Vous le savez, je vous ai répété tantôt, là, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'organigramme de la santé que j'ai déjà mis à la télévision, là, l'organigramme qui expliquait les tentacules du système de santé. Le défi, il est là. Vous autres, là, vous payez des taxes et des infos. On vous a demandé une taxe santé, en plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de médecin de famille ici? Un médecin de famille. Qui a un médecin de famille ici? Il n'y a pas grand main levée, hein? Non. OK, si toi, tu te blesses, là, à soir, tantôt, là, tu te déchires un muscle. C'est une menace! T'as besoin de 15 points de suture. Tu vas attendre combien de temps à l'hôpital Sacré-Cœur? Combien de temps moyenne, tu penses? Il y a peut-être un médecin dans la salle aussi, on ne le sait pas. Tu vas attendre 12 heures, 10 heures, 15 heures selon la gravité de la situation. Est-ce que dans une société moderne comme la nôtre, c'est normal que notre système de santé soit comme ça? Si on avait le meilleur système... Ce serait qui, d'ailleurs, votre ministre de la Santé à la CAQ? Bon, ben, présentement, c'est le docteur. Non, mais on a un docteur. C'est Dan Dano qui est notre docteur, le député de groupe. C'est pour ça que vous êtes en santé de même. Voilà. Mais finissons sur une note positive pour la CAQ quand même. Hey, c'était le fun, hein, la perquisition de l'UPAC au PLQ. Tabarouette. C'est-tu quoi, faut pas se réjouir? Non, mais je veux dire, c'est quand même Stéphanie. On a eu une bonne semaine. Oui, ben c'est ça. J'avoue que quand tu sors de chez vous, t'es le chef du Parti libéral, puis tu regardes en bas de la fenêtre, puis tu fais... Voyons, c'est pas mon chauffeur qui est là. Ouais. C'est deux gars avec des batchs. Tu dois te poser des sérieuses questions. Puis, ben voilà, je n'en dirai pas plus parce que ça serait trop facile. Ça sert à rien. C'est pas une semaine évidente. J'avoue que c'est pas une semaine évidente. Mais merci beaucoup. Vous restez avec nous, hein, parce qu'on n'a pas fini ce soir. On a notre prochain chroniqueur. D'ailleurs, vous nous le présentez, Fred? Oui. Grâce à sa sélection hebdomadaire des pires extraits de la radio, on prend vraiment la mesure du fait que 50% de la population québécoise est analphabète. Voici la chronique d'Olivier Niquette. Je pense que la semaine prochaine, je vais avoir des extraits de notre émission. Ben, la semaine a débuté en force avec le premier vol du nouvel appareil de Bombardier, le C-Series. Oui. Occupée qu'elle était à s'envoler dans les sondages, Pauline Marois n'était pas présente lors de cet événement historique et ça a beaucoup fâché Jeff Filion. Le PQ, c'est le problème du Québec. Ils sont un frein au développement du Québec. Même pas capable, gang d'écœurants et de salauds, de se présenter hier au premier vol d'un avion qui est révolutionnaire. Maudite gang de salauds. J'ai une haine viscérale pour les péquistes. Et je ne suis pas haineux, contrairement à ce que des gens pensent. Oui, un gars cool. Non, c'est vrai qu'il a l'air cool, là. C'est à se demander pourquoi il a été si souvent poursuivi. C'est incompréhensible. De son côté, suite au congédiement d'une employée de la taverne Magnan parce qu'elle était atteinte d'un cancer, Éric Duhaime a voulu remettre les pendules à l'heure et pousser un peu plus loin le débat. Je connais pas un entrepreneur ou un commerçant qui agirait pas de la même façon. Pensez-y, là. Vous avez une petite boutique, là. Vous avez une fille qui travaille là. Vous apprenez qu'elle est enceinte. Êtes-vous content? Allez-vous penser d'embaucher quelqu'un d'autre? Ben oui. Encore plus simple, là. Faites comme nous à la soirée T'es encore jeune. N'engagez aucune fille. Non, c'est vrai, là. Il faut quelqu'un pour défendre les commerçants. On parle de leur pain, de leur beurre puis de leur caviar ici, là. D'ailleurs, Sylvain Bouchard de Cogeco à Québec avait aussi une preuve accablante de la souffrance des hommes d'affaires. Le gars à 30 degrés, cravate, veston. Puis le musulman avec son voile, lequel qui a le plus chaud, là? Si on faisait un test, là, pas sûr que la femme avec son petit tissu est pas plus aérée que le gars avec son manteau. Oh, la femme avec le tissu, on entend ça, hein. Quand il fait chaud, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, c'est, elle exerce peut-être la même liberté que l'homme d'affaires avec son cravate veston. Ben, cassez les pro-chartes! La femme voilée est aussi libre que ceux qui portent des cravates ostentatoires. Et en plus, elle sue moins du tout de bras. Faut dire que Sylvain Bouchard aime beaucoup défendre la veuve et l'orphelin. Après avoir fondé un parti politique pour défendre les droits des rednecks et une journée internationale du gars, il s'attaquait cette semaine à une autre grande injustice, les voies réservées aux autobus. Moi, mon rêve, là... Pendant une heure de temps, on colle le chat de tout le monde dans les voies réservées. Juste pour dire qu'on est plus capable. Ça me prendrait du cash. Tu payes les policiers, ils pourront pas donner des contraventions à 100 000 personnes. Je sais qu'il y a des citoyens qui sont écœurés du trafic puis qui cherchent des solutions. Moi, je pense encore qu'un petit peu de désobéissance civile, ça va être bon. Attendez, là! On peut sûrement trouver une solution pour ceux qui sont écœurés du trafic, là. Sont dans leur char, ça avance pas, il y a des autobus qui passent vite à côté avec plein de monde qui seront pas en retard à job. Ah non, j'ai pas de solution. T'as raison, mon Sylvain. Je sais pas. D'autre part, on apprenait cette semaine que Maka Koto avait dû se départir d'un signe religieux. Au-delà du ridicule de la manœuvre politique, l'objet en question a bien fait rigoler Jean-Nicolas Gagné de Radio X. Il a laissé chez lui son pendentif avec un crâne de panthère. Oui, c'est... Mais sur quelle planète il vit? C'est vrai que d'avoir un pendentif dans le cou avec le cadavre d'un gars en bobette cloué sur une croix, c'est pas mal moins grotesque. De toute façon, là, il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie. Par exemple, Alexandra Wozniak, la petite amie de Louis Leblanc, un joueur de cinquième trio de Canadiens, s'est fâchée sur Twitter parce que ce dernier avait été retranché par l'équipe. Heureusement, Ron Fournier était là pour se faire rassurant, donnant l'exemple d'un autre joueur qui est passé par là, mais qui a su rebondir après 48 matchs. Mais 48 matchs avec l'équipe, puis là, puis il va gagner des gros bidous bientôt. Oh, Colin de Bine! Un jour, mon Louis, peut-être que toi aussi, tu pourras gagner des gros bidous en criant comme un singe, et je te le souhaite sincèrement. Merci, Olivier! Hey, avec toute la controverse autour de la charte, on en parle-tu, ça, hein, de la charte Tabarouette? Il est toujours pertinent d'aller entendre ce qu'a à dire notre bon ami Jean-Étienne Eudes à Radiovision. C'est le 14 AM Radiovision, la voix du cœur de Montréal. Jean-Étienne Eudes au microphone, chers amis patrons, patronnes, Timoun à l'écoute et fidèle Gladys à la console, l'heure est grave. Alors que la froideur de l'automne arrive à grands pas, une certaine rhétorique blanche dégoûtante frappe encore, nous illuminant des feux de sa haine. Je me suis réveillé tête frette ce matin, mais maintenant c'est tête chargée que je vous parle. C'est avec dégoût que j'apprends qu'on a forcé un ministre noir à laver plus blanc que blanc. Je parle ici du grand Makakoto que l'élite blanche assoiffée de rectitude a poussé à se dénuder, à grenier sa vérité, à se dévêtir de son crâne de panthère du Cameroun qu'il porte à la poitrine depuis toujours. Encore une fois, un catholique à tendance chamanique a été poussé au pied du mur, acculé par un catholique à tendance hypocrite, Bernard Drainville. Et j'ose le nommer ce matin. Assurément, dans les prochaines semaines, nous allons voir en direct toute la circonscription de Bourget dépérir, privée de la protection de son amulette faite de fragments du grand fauve. Ceci est un appel à la résistance, mes amis. C'est avec le cœur doué et le poing brandi que je promets de ne jamais me départir des os de cabri que je porte fièrement. Quand l'IPA a dit laisse pour ça, savoir lire ne veut pas dire qu'on a de l'esprit. Fermez vos oreilles devant les chantres du blanchiment de cerveau. On dirait qu'il existe pour vrai. Oui, hein? C'est ça qui est fou. C'est quoi? On va aller rejoindre très malheureusement Jean-Sébastien qui est toujours à Fermont. Jean-Sébastien? Ah, mon bonjour Philippe. Toujours à Fermont. La mairesse ne s'est toujours pas présentée, la soda. Est pas fiable, hein, mais qui le serait après un tel événement? Alors, pour tuer le temps, mon bon Jean-Philippe, je pensais faire comme à l'émission à la semaine prochaine, c'est-à-dire faire une chanson humoristique, consensuelle sur un sujet brûlant d'actualité. Ouais. Je l'appellerai ma chanson anti-Vallière, une chanson de la réparation. Alors, je vous l'offre juste pour vous et vos invités, Jean-Philippe. Ah non, vous n'allez pas faire une chance. Ah. Si tu savais comment on s'amuse à faire mort, tu y penserais à deux fois avant d'être sur le plateau. Parfois je danse et chante si fort, on dirait que j'ai le diable au corps, tellement que le parquet est pogné. Je me pâme de bonheur, j'ai frette, mais c'est tellement pas grave. Je suis dans un bel igloo. C'est n'importe quoi, ça. C'est assez... Qu'est-ce qu'il y a un petit bridge? Non. C'était beau, Jean-Sébastien. Qui connaît là-dedans le gros Vallière? C'est juste un gratteux de guitare. Puis peut-être un carré rouge. OK, c'est bon. Si je suis près de la nature, j'ai une fenêtre dans mon mur pour voir dehors quand c'est trop long. Et la mairesse, c'est une tigresse. Elle va au battre pour défendre les très très pauvres. OK. Fermons-toi. Ben, les gens applaudissent pas, en tout cas. Non, ouais. Hey, c'est niaiseux, point qu'un peu, ça. Chacun son métier, hein. Je pourrais écrire des chansons pour le bye-bye. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Jean-Sébastien. Fred, notre dernier chroniqueur, s'il vous plaît. Notre correspondant n'a pas chômé cette semaine avec la rentrée parlementaire à Québec. Il nous livre aujourd'hui ses impressions. Voici la chronique de Jean-Philippe Cipriani. Je chanterai pas. Il me gêne tellement, Jean-Sébastien, des fois. Là. J'ai de la misère à vivre et à regarder les gens. Ouais, mais il pas capable de regarder les gens dans les yeux. Il est sur un programme, ouais. Hein, quand même. Hey, fait que là, vous pouvez arrêter de vous plaindre. Hein, ben oui. Parce que la session est recommencée. Et d'ailleurs, hier, on célébrait un an de gouvernement marois. Hein? Il s'en est passé des choses. Hein? Le rétropédalage, la patente du carré rouge, la charte de Drainville, la discrétion de Daniel Breton. Ah, oui. Ça, c'était un plus. Et hein? Surtout, un formidable documentaire très équilibré cet été sur Madame Marois, là, réalisé par le gars qui jouait dans les machos. Là. Mais il ne faut pas bouder son plaisir. Avec la reprise de la session, il y a un sujet qui risque d'être explosif. Fait que vous allez nous parler de la charte? Pas du tout. Non? Je vais faire plaisir à M. Bonnardel. Ce que les gens veulent entendre parler, c'est pas de la charte, c'est de l'économie. Ah, ben non. La charte, c'est trop de chicane, c'est réfléchir. Ils veulent entendre parler d'économie. Hein? D'économie. Les gens, hashtag les gens, ils veulent entendre parler d'économie. C'est Philippe Couillard qui l'a dit, François Legault aussi, l'économie. Hein? Quoique Philippe Couillard veut aussi faire l'économie de transparence sur les perquisitions de l'UPAC là, dans ben son oui, parti. C'est ça. Mais l'économie. Hein? Oui. L'entendez-vous, vous aussi, le doux chant de l'économie? Hein, comme un Gérald Filion qui murmure constamment à votre oreille là, des mots doux comme déficit zéro, budget responsable, finances publiques. Là. Les gens, là, hashtag les gens, ne parlent que d'économie. Hein, bon, ils se lèvent, ils ferment le réveil, ils pensent à l'économie. Moi, dans ma douche, je me lave, je pense à l'économie. Oui. Je vais prendre le bus le matin, vous me connaissez, je suis comme Jean-Sébastien Girard, je parle aux gens que je connais pas, vous avez de bus, d'un coup qui serait distrayant. J'arrive, je vois une madame, elle n'a pas de foulard, je me dis correct. Il fait beau, madame, elle répond, je m'en fous qu'il fait beau. Parce que l'économie, monsieur. Parlez-moi d'économie, rien à faire, moi. Il fait beau la santé, l'humanité, un projet de vie. Là, rien à faire, moi, de définir qui on est, qui on n'est pas, réfléchir sur l'art, la beauté du monde, Marc Hervieux, whatever. Non, monsieur Kennedy. Chaque matin, je me lève, puis je pense à l'économie. Je prends un café, je dis, hey, l'économie. Je me brosse les dents. L'économie. Puis vous, madame, c'est quoi l'économie? Je sais pas qu'elle me dit, mais on m'a dit c'est important, c'est l'économie. Fait que j'ai pas besoin de me poser la question, c'est quoi ou qu'est-ce que ça fait. Ouais. Ils m'ont dit que ça va pas bien l'économie, je les crois. Hein? Okay. J'ai pas de preuves, mais j'ai bien confiance, puis c'est l'économie. Équilibrer un budget, me semble que c'est un grand projet de société, ça. Ouais. Hein? Ça, monsieur, là, hein? Un déficit zéro, ça me rend fier, qu'elle me dit, la madame. Ça me rend presque pieuse, attention, j'ai dit. Ça me parle, moi, déficit zéro, ça me rappelle Julie Mars quand elle disait c'est zéro, elle avait tellement l'air habitée, là. C'est comme l'économie, hein? Ouais. C'est ça qu'il me faut, moi, pour mon bonheur, monsieur, qu'elle me dit l'économie. Donnez-moi de l'économie, faites-moi consommer, faites-moi rêver, là, comme la madame sur le Prozac dans les annonces de Walmart, qui est donc contente d'acheter des affaires à rabais, là, à cause de l'économie. Vous le sentez, le souffle de l'économie, là, vous aussi? Excusez, monsieur Couillard, votre maison brûle, là. Ah, je suis désolé, moi, je vais parler d'économie. Ah, là, oui? François Legault, là, passez-moi ça, là, votre charte. Là, moi, je vais parler d'économie. Hein? Okay. Puis faire des tours d'autobus. Oui, OK. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par économie? Je suis pas sûr d'avoir... L'économie, oui. Ça vient du grec oikonomia. Hein? Ben oui, tout le monde sait ça. Oui, ça veut dire gestion de la maison. Pourquoi soit propre, qu'elle sente le Febreze. Ouais. C'est pas juste une science à la précision météorologique là, où l'un prévoit tout le contraire de l'autre. Oui. Ben, je veux dire, c'est précis l'économie. Là. Tu demandes à un économiste c'est quoi son numéro de téléphone, il te donne une estimation. Oui. C'est pas non plus juste une excuse pour justifier des compressions à l'aide sociale. Non, c'est surtout un formidable fourre-tout politique quand on refuse les questions sur d'autres choses. Vous vous souvenez de la marge de manœuvre de Bourassa, le coffre à outils d'André Boisclair? Ouais. Ben, c'est ça. C'est dire pas grand-chose en disant qu'on veut dire quelque chose parce que les choses qu'on veut pas dire sont dans les choses qui sont dites. Ouais. C'est non, ça. Je sais pas. Enfin, bref, ça sert à rallier tous ceux qui sont mêlés à des mots qui sont mêlés là, à des mots qu'ils connaissent, puis surtout à des chiffres auxquels on peut faire dire ce qu'on veut en disant que c'est ça les vraies affaires. Puis en passant, le gouvernement doit régler l'économie. Je l'ai dit 28 fois. Hey, merci Jean-Philippe. Hey boy. Ben vous en aurez appris des choses, oui, hein? Mais c'est déjà tout. On vous invite à rester à l'écoute dans quelques minutes. C'est la bibliothèque de René où on rencontrera le libraire Daniel Dompierre de la librairie Le Fureteur à Saint-Lambert. Hey, c'est plein, j'ai quelque chose à 8 ans. Ben oui. Vous l'écouterez en prise, Jean-Sébastien. Non, je penserais pas. OK. Merci à toute l'équipe. Marie-Hélène Racicot, Jean-Loup Gagnon, Steve Côté, Philippe Robert, j'ai le grand Alex Courteau et un gros merci à nos invités. Normand Bradway. Merci. Ben, merci énormément. On écoute Bellebum le vendredi en reprise du samedi d'après. Exactement. OK, parfait, excellent. Ça, ouais. Et on attend les gros projets à la télévision sur scène. Ouais. Bonne chance. Merci. François Bonnardel, bonne chance pour les prochaines élections. On parle de quoi? Décembre, 9 décembre? Décembre, le show de la période des questions recommence mardi prochain, 14h. Ah, on va écouter ça. Très hâte. Merci énormément. Vous réécoutez notre balado en vous rendant sur notre site web. Et si vous voulez assister à l'enregistrement de l'émission, on enregistre les vendredis à 16h. Vous nous envoyez un courriel et on sera un plaisir de vous réserver une place. Ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de profiter de cette soirée, qui est encore jeune! Yeah! Yeah!